الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى nous demande dans le Coran de méditer sur ces versets, de méditer sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est d'autre ou qui n'est autre que le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens, ne raisonne-t-il pas sur le Coran? Leur cœur est-il attaché à un cadenas? Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne raisonne-t-il pas dans le Coran? S'il venait d'autre qu'Allah, il trouverait, c'est-à-dire dans ce Coran, de multiples divergences. Il est donc demandé à chaque musulman d'apprendre l'exégèse du Coran, car c'est la science la plus noble, c'est la science dans laquelle l'être humain ou le musulman apprend la parole d'Allah, connaît l'essence de la parole d'Allah, arrive à détecter et à prendre les sagesses contenues dans ce livre immense. Ainsi, par la grâce d'Allah, nous allons, durant les discours suivants, expliquer une sourate immense du Coran, qui est appelée sourate Al-Qaf. Elle est appelée ainsi, car Allah subhanahu wa ta'ala a commencé cette sourate par la lettre Qaf, qui est une des lettres de l'alphabet arabe. Et sourate Qaf fait partie de Al-Mufassal, car le Coran est divisé en plusieurs parties, et Al-Mufassal, qui est la partie détaillée de Surat Qaf jusqu'à Surat Al-Nas, est appelé en arabe Al-Mufassal, car ce sont des sourates qui détaillent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sont des sourates dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala donne énormément d'arguments pour répondre à ceux qui n'ont pas cru en lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait Surat Qaf ainsi que Sourate Al-Qamar, Sourate la Lune, durant la prière des deux fêtes, une prière qui rassemble le plus grand nombre de personnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam profitait de ce grand rassemblement pour lire durant cette prière Sourate Al-Qaf ainsi que Sourate Al-Qamar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne manquait pas aussi de lire et de réciter cette sourate durant le discours du vendredi sur le minbar, au point que certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont appris par cœur cette sourate à force de l'entendre de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous en informe Ummu Hisham binti Haritha radiallahu anha, lorsqu'elle dit, je n'ai appris Qaf wa al-Qur'an al-Majid que de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il la lisait sur le minbar le jour du vendredi. Allah subhanahu wa ta'ala commence cette sourate par Qaf, par une des lettres de l'alphabet. Beaucoup d'explications de savants ont été données lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala commence une sourate par une lettre, comme sourate Qaf, ou bien sourate Sad, ou bien sourate Noun. Et dans d'autres sourates, Allah subhanahu wa ta'ala commence par plus qu'une lettre, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, etc. Et l'avis le plus sûr des savants, Wallahu A'lam, c'est que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le sens de cela. C'est une chose dont seul Allah subhanahu wa ta'ala détient la clé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Qaf, Qaf, par le Coran glorieux, wal Qur'an al-Majid. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala a le droit de jurer par n'importe quelle de ses créatures. Il a juré par le Coran, et ceci prouve que le Coran est une des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran n'est autre que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est autorisé aux musulmans, lorsqu'ils jurent, de jurer par Allah, ou bien de jurer par un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est sans aucun doute un de ses attributs. Prends garde, chers musulmans et chères musulmanes, de ne pas jurer par autre qu'Allah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne jurez pas par vos parents, que celui qui jure par Allah. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure par autre qu'Allah a alors mécru, wal'iyadu billah. et le Coran est le livre révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran est un de ses noms, mais il comporte aussi d'autres noms, comme Al-Furqan, le discernement, Al-Zikr al-Hakim, le rappel sage, Al-Tanzil, le révélé, etc., etc. Le Coran, glorieux. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ce Coran comme étant glorieux, Al-Majd en arabe. Et Al-Majd en arabe signifie la largesse dans le bien. Le Coran contient donc une largesse illimitée dans le bien, dans la compréhension, dans la bénédiction, etc., etc. Et chaque être humain prend de cette largesse illimitée ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Celui qui est spécialisé dans la jurisprudence prendra du Coran la jurisprudence. Celui qui est spécialisé dans la littérature arabe prendra dans le Coran les bienfaits de la langue arabe, etc., etc. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit: mais ils s'étonnent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Ils s'étonnent, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils s'étonnent de l'envoyé de ce prophète, malgré la clarté de sa révélation, malgré la clarté du Coran et le fait que le Coran montre de façon évidente la vérité. Comment s'étonne-t-il d'une chose aussi claire? L'étonnement a lieu en général dans une chose ambiguë, une chose qui porte à confusion. Quant au Coran, comment douter et comment s'étonner de lui? Comment s'étonne-t-il qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne leur pourvoyance? Comment s'étonne-t-il qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de l'adorer seul sans ne rien le lui associer? Au lieu de croire, ils se sont étonnés. Ils s'étonnent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Un avertisseur qui n'est autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne croyaient pas en lui et ils disaient: il n'est pas possible que la révélation parvienne à un être humain, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous en informe. Si le Coran était révélé, il aurait été révélé à un ange, ou bien alors Allah se serait montré à nous. Ils n'ont pas cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point de dire que si révélation il y avait, alors la révélation aurait été descendue sur un ange. Et si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu révéler quelque chose, il se serait montré à nous, wal'iyadu billah. Ils s'étonnent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Parmi eux, c'est-à-dire de leur même tribu. Un arabe qui parle leur langue. Un arabe dont ils connaissent l'arbre généalogique. Un arabe dont ils connaissent la vérité, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de loyal. Il connaissait sa loyauté, il connaissait sa vie, sa biographie, il connaissait son père et sa mère, il connaissait ses ancêtres, il savait que c'était un homme qui n'avait jamais menti, un homme dont on ne connaissait que le bien. Ce n'était pas quelqu'un d'étranger pour eux. Mais malgré cela, les mécréants dirent: ceci est une chose étonnante. فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ. Ceci est une chose étonnante que la révélation soit révélée à un homme. Ceci est étonnant et surtout n'a pas de précédent. Comment cela n'a-t-il pas de précédent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y a-t-il pas eu des prophètes et envoyés avant lui? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: dis, je ne suis pas une innovation parmi les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam: dis-leur, je ne suis pas le premier des prophètes. Il y avait beaucoup et beaucoup de prophètes et envoyés avant moi. Il y avait avant lui Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, Hud, Saleh, Shu'aib et d'autres prophètes très nombreux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran. Comment? Puis, un autre étonnement leur est parvenu. Et on dit au-dessus de cet étonnement qu'un homme reçoit la révélation. Cet homme est venu nous dire une chose encore plus étonnante. Il admet ou il essaie de nous faire croire que lorsque nous serons morts et que nos corps seront réduits en poussière, que nous serons ressuscités. Ils n'ont pas cru à la résurrection. Et on dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous en attend dans Surat Qaf, quoi ? Quand nous serons morts et réduits en poussière, ce serait venir revenir de loin. Et ils ont dit, comment est-ce qu'une poussière peut redevenir un corps ? Un corps avec des os, avec des veines, etc. etc. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas créé Adam de poussière ? Et vous, qui ne croyez pas en la résurrection, n'êtes-vous pas créé d'une eau éjaculée ? Et avant cette eau éjaculée, vous n'étiez rien, vous n'étiez que néant. Comment alors ? Étonnez-vous ? Comment alors ? Vous étonnez-vous de la résurrection sans vous étonner de la première création ? Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit : « Wa huwa alladhi yabda'u al-khalq » Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a commencé la création, et c'est lui qui va faire la résurrection, wa huwa ahwanu alayhi, et cela est plus facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est plus facile pour Allah subhanahu wa ta'ala de créer ou de redonner la vie à un mort réduit en poussière. Il est plus facile à Allah subhanahu wa ta'ala de ressusciter un mort que de le créer la première fois. Comment vous étonnez-vous de ne pas être ressuscité ou de ne pouvoir être ressuscité sans vous étonner qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous ait créé de néant? Ils ont dit, ce serait revenir de loin, c'est-à-dire le fait d'être ressuscité, cela est impossible, cela est inconcevable. Et ils ont comparé leur capacité avec la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala, en manquant par cela de respect à Allah subhanahu wa ta'ala, en oubliant qu'Allah Azza wa Jal est le créateur des cieux et de la terre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est difficile pour lui et il est capable de toutes choses. Puis Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu en disant « Qad alimna ma tanqusu al-ardu minhum » Certes, nous savons ce que la terre rongera d'eux, c'est-à-dire ce que la terre rongera de leur corps. Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait à l'avance ce que la terre rongera de leur corps. Allah subhanahu wa ta'ala sait à l'avance quand est-ce que la personne mourra, quand est-ce qu'elle sera enterrée et quand est-ce que chacune des parcelles de son corps sera rongée par cette terre. Wa indana kitabun hafir, et nous avons un livre où tout est conservé. Et en plus de la science, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout cela dans un livre préservé. Allah Azza wa Jalla leur a donc répondu par deux arguments. Le premier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que leur corps sera rongé par la terre. Il le sait par avance. Et en plus de sa science, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit cela et l'a inscrit dans un livre préservé qui ne peut être changé. Et en plus de cela, ils ont traité de mensonge la vérité qui leur est venue. Un troisième mensonge, ou une troisième chose dont ils n'ont pas cru à la vérité lorsqu'elle leur est parvenue, la vérité qui n'est autre que le Coran. Ils n'ont pas cru tout d'abord au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ils n'ont pas cru à la résurrection, et enfin ils n'ont pas cru au livre révélé qui n'est autre que la vérité. Comment la vérité peut être niée? Comment ne pas croire à une chose qui est vraie et claire? On ne croit pas au faux et au mensonge. Quant à la vérité, il n'appartient à personne de ne pas y croire. Lorsque celle-ci leur est venue, c'est-à-dire lorsque le Coran a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque le Coran a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas cru en ce Coran. Ils ont tout d'abord dit que c'était un poème. Un poème que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit. Un poème des anciens, ou plutôt des écritures anciennes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recopié, ou que tout simplement on lui a dicté. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était analphabète. Il ne savait ni lire, ni écrire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un poète, comme Allah subhanahu wa ta'ala en attend dans le Coran. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ Nous ne lui avons pas enseigné la poésie, et il ne lui appartient pas de l'apprendre. Il n'appartient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'apprendre la poésie. Et ce ceci est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que tout doute soit levé sur lui, afin que toute ambiguïté soit effacée. Il n'appartenait pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'apprendre la poésie. Et cela n'est pas une critique envers la poésie, au contraire, il est demandé aux musulmans d'acconnaître sa langue arabe et entre autres la poésie, qui est une façon belle et élégante de transmettre des morales. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas enseigné la poésie au prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement pour que toute ambiguïté soit levée sur lui. Puis ils ont traité le Coran de sorcellerie. Comment traiter le Coran de sorcellerie alors que ceux qui enseignent la sorcellerie sont les diables, et les diables n'approchent pas la révélation, les diables n'approchent pas le prophète, les diables n'approchent pas le Coran et ne le révèlent pas, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Dit celui qui l'a révélé, c'est l'Esprit Saint venant de ton Seigneur avec la vérité. Ils ont donc alors menti sur le Coran, tantôt en le qualifiant de poème, tantôt en le qualifiant de sorcellerie, en oubliant que le Coran n'est autre que la parole du Seigneur des mondes, Azza wa Jal. Et tous ceux qui parlent sur le Coran, tous ceux qui oseraient porter atteinte au Coran, vous connaissez tous leur fin ne peut être que misérable, wal'iyadu billah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement de préserver ce Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit vrai lorsqu'il dit nous avons descendu le rappel et nous le protégeons. Personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu, ne serait-ce que déformer ou falsifier une lettre du Coran, walhamdulillah. Personne, malgré les persécutions, malgré l'envie ardente des non-musulmans et de ceux qui ont la haine envers l'islam et les musulmans, de vouloir falsifier et modifier ce Coran, personne jusqu'à présent n'a réussi cela. Personne même n'a réussi à apporter une sourate ou un verset semblable à celui du Coran. Ceci est une preuve que le Coran est bel et bien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien l'envoyé d'Allah azza wa jal. Fahum fi amrin marij. Les voilà donc dans une situation confuse. Lorsqu'ils n'ont pas cru à la vérité, quelle a été la conséquence, le résultat? Le résultat a été qu'ils se sont retrouvés dans une situation confuse. Ils se sont divergés eux-mêmes. Chacun dit ce qu'il veut. Chacun donne son avis. Et leurs avis se sont contredits les uns les autres. Ceci montre qu'ils ne sont pas dans la vérité. Car si tu dis la vérité, tu ne peux pas te contredire. Fahum fi amri marij. Les voilà donc dans une situation confuse, une situation mélangée. Et s'ils avaient cru au Coran, s'ils avaient cru en la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se seraient tous réunis autour de la vérité et ne seraient pas retrouvés humiliés en se contredisant les uns les autres. Et ainsi sont ceux qui se détournent de la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala les teste et les éprouve par le mal, et les éprouve par le faux, les éprouve par le mensonge. Quant à celui qui suit la vérité, ses pas sont raffermis, ses paroles sont claires et nettes et ne sont en aucun cas contredites.